Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, quatrième numéro de notre série Affaires Sensibles du sport, avec cette fois l'histoire d'une génération dorée de rugbymen sud-africains, vainqueurs de la Coupe du Monde 95 et trait d'union d'un pays autrefois déchiré, les Springboks. Le 24 juin 1995, sous les yeux du nouveau président Nelson Mandela, les Sud-Africains remportent la finale du mondial face aux favoris néo-zélandais, les fameux All Blacks. Toute l'Afrique du Sud célèbre la victoire et le pays enterre pour de bon des décennies d'apartheid autour de son équipe de rugby, précisément. L'événement dépasse donc le cadre purement sportif et la sélection entre dans l'histoire, le mythe de la nation arc-en-ciel est né. Voilà pour la lumière. Mais l'ombre arrive. Dans les années 2000, une série de drames frappe les anciens joueurs. Une véritable épidémie. Quatre Springboks de la même génération contractent des maladies rares et graves. Entre 2010 et 2017, trois d'entre eux en meurent. Ils ont tous la quarantaine. Que s'est-il passé? Selon de nombreux observateurs, il n'y a qu'une seule réponse possible, le dopage. Alors la rumeur se répand. Et un doute s'installe, pesant, tellement pesant. Notre invité aujourd'hui, Nicolas G, journaliste, il a enquêté sur le sujet pour l'émission Stade 2 dans un reportage intitulé Springboks jusqu'au bout. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Samedi 24 juin 1995, 14h, le soleil d'hiver inonde Johannesburg, métropole sud-africaine de plus de 2 millions d'habitants. En ce début d'après-midi, la ville se prépare à vivre l'événement sportif de l'année, la finale de la Coupe du Monde de rugby à 15. L'affiche s'annonce prometteuse. La sélection nationale sud-africaine, qu'on appelle les Springboks, sont opposées aux favoris néo-zélandais, les All Blacks. La rivalité entre les deux nations est ancienne et les deux équipes se partagent depuis longtemps l'hégémonie sur le rugby mondial. À quelques kilomètres du centre-ville, 63 000 personnes prennent place dans les tribunes du Ellis Park Stadium. Les mines sont joyeuses, l'ambiance bon enfant, comme en témoigne ce reportage de TF1 dans un stade en ébullition. Habituellement, les stades se remplissaient au dernier moment. Là, pour la finale, changement de configuration, les supporters sont venus très tôt ce matin. Ambiance de fête, on se bat pour acheter dans les boutiques le maillot des box. Quant aux billets d'entrée, ils se vendent maintenant au marché noir. Je les vends 1000, mais celui-ci, allez, à 800, ça ira. Exceptionnellement aujourd'hui, le public sud-africain ne sera pas exclusivement blanc. Il y aura aussi des noirs. On va les battre, vous allez voir, on va les battre. S'ils nous font le haka, on leur fera le choi choi. Vous allez enfin voir une nation réunifiée. En étant objectif, les Néo-Zélandais sont favoris. Considérant l'extraordinaire parcours réalisé par les All Blacks depuis le début de la Coupe du Monde, on ne voit pas comment les Sud-Africains pourraient les battre. Mais attention, dans ce type de rencontre, le public joue toujours un rôle très important. Ce public qui sera aujourd'hui galvanisé par l'événement pour soutenir les Springboks. Dans les vestiaires, c'est l'ambiance du grand jour. Les joueurs sud-africains enfilent silencieusement leurs maillots, puis chaussent leurs crampons. Tous paraissent concentrés, préparés pour le combat. Le capitaine François Pinard, un solide gaillard de 102 kg pour 1m90, donne ses dernières indications. Les Springboks ont vécu une entame de tournoi délicate. Quelques jours plus tôt, sous une pluie battante, ils ont gagné, oui, mais de justesse contre l'équipe de France grâce à une défense intraitable et un essai inespéré en fin de match. Et puis, les Sud-Africains sont conscients que leurs adversaires du jour, les All Blacks, sont la sélection la plus redoutée du tournoi. Emmenés par la star Ioane Nomu, les Néo-Zélandais ont marché sur toutes les équipes qu'ils ont affrontées jusque-là. Et une bonne partie des commentateurs les annoncent, favoris comme souvent. Ils sont un peu au rugby ce que sont les Brésiliens au football, enfin à l'époque. Les joueurs sud-africains croient en leur bonne étoile. Et en ce 24 juin, un sentiment d'euphorie plane dans l'enceinte du Ellis Park. Parmi les dizaines de milliers de supporters présents, un homme, plus que tous les autres peut-être, espère, c'est Nelson Mandela. élu depuis 14 mois, le président sud-africain vient d'arriver dans le stade avec sa garde rapprochée. Il pénètre dans le vestiaire et encourage chaleureusement l'équipe avant de gagner les tribunes. Les joueurs savent qu'ils disputent le match le plus important de leur carrière. C'est que l'événement dépasse de loin le cadre sportif. Voilà 4 ans que l'Afrique du Sud a aboli l'apartheid. Cet ensemble de lois ségrégationnistes a été mis en place en 1948 par les leaders de la communauté afrikaner, une minorité protestante d'origine hollandaise qui représente à peine plus de 5% de la population. Jusqu'en 1991, les gouvernements successifs ont pratiqué une hiérarchisation stricte des différents groupes ethniques. Une division autant géographique qu'économique que sociale. En 1995, les plaies sont donc encore vives au sein de la société, surtout pour la communauté noire, qui représentait 2/3 de la population. Les traumatismes des 43 ans de ségrégation demeurent. Au niveau international, le régime d'apartheid a aussi eu des conséquences. Les sanctions et les boycotts se sont multipliés, le pays s'est retrouvé isolé. Pour l'équipe de rugby, cela s'est traduit par l'interdiction d'assister aux 2 premières éditions de la Coupe du Monde en 1987 et 1991. L'année 95 marque donc leur première participation à la compétition. Et c'est important, parce qu'en Afrique du Sud, le rugby occupe depuis longtemps un rang particulier parmi les disciplines sportives. Pendant l'apartheid, il a même été un véritable instrument politique, un sport pratiqué quasi exclusivement par les Blancs, un sport érigé en symbole des idéaux racistes de nombreux Afrikaners. Ici, il n'est un secret pour personne que la sélection nationale a longtemps été sous l'influence de l'Afrikaner Brandverbond, cette organisation secrète qui a participé à la rédaction des principes de l'apartheid. D'ailleurs, l'équipe de 95 est à l'image de cette histoire. La majorité des titulaires sont afrikaners et il n'y a qu'un seul joueur noir, l'ailier Chester Williams. Malgré ce passé difficile au moment de la Coupe du Monde 95, la société sud-africaine est en pleine mutation. L'élection de Mandela en est à la fois la preuve et le symbole. Premier président noir du pays, Nelson Mandela, a parfaitement saisi les enjeux politiques de cette Coupe du Monde et la capacité d'un sport à unir un peuple derrière une équipe, un drapeau. Surtout, il veut ouvrir la voie à une réconciliation entre les communautés, un processus qui passe par l'équipe de rugby. Ainsi, depuis le début de la compétition, il affiche un soutien sans faille à la sélection. Il en est le 16e homme, en quelque sorte. Il s'est donc déplacé pour chaque match, le président, et a noué des liens personnels avec François Pinard et les siens. Ce 24 juin 1995, Nelson Mandela va même un peu plus loin. Il a troqué son costume sombre contre un maillot et une casquette aux couleurs vertes et jaunes de l'équipe. Un président noir aux couleurs des Springboks, le symbole est fort et l'image marque les esprits. Le public se met à scander son nom, comme le rappelle son garde du corps, ainsi que Chester Williams lui-même, au micro de France 2. Quand Mandela est entré sur le terrain, il y a eu une clameur. Nelson, Nelson. Je me suis dit, c'est pas vrai, je rêve. Les gars ont eu les larmes aux yeux. Il y avait même des joueurs qui pleuraient. Aucun d'entre nous n'imaginait que Mandela porterait notre maillot et ça nous apportait. Alors, à quoi pense Mandela quelques minutes avant le début de la rencontre? Aucun doute à une victoire de l'équipe sud-africaine qui scellerait la réconciliation nationale qu'il appelle de ses voeux. Et on ne lésine pas sur les moyens. Dans le ciel de Johannesburg, un Boeing 747 de South African Airways, flanqué d'un message de soutien à l'équipe nationale, effectue un passage à très basse altitude et vient raser les lampadaires au-dessus du stade. Les dizaines de milliers de spectateurs applaudissent et les deux équipes font leur entrée sur le terrain. Lorsque le nouvel hymne sud-africain retentit, tout le stade vibre à l'unisson. South African national anthems. c'est parti. L'arbitre siffle, la rencontre démarre. Les premières minutes laissent présager le pire pour les Sud-Africains. Les Néo-Zélandais prennent le contrôle du jeu. D'ailleurs, après 5 minutes, ils ouvrent le score par une pénalité. Sonnée, la défense sud-africaine reprend vite ses esprits. Elle se montre même intraitable. Les assauts néo-zélandais sont systématiquement repoussés par le mur défensif, notamment grâce à la puissance des troisième lignes, Ruben Kruger et ses 101 kilos de muscles. Surnommé l'assassin silencieux, c'est lui qui a inscrit l'essai de la victoire contre l'équipe de France en demi-finale et il semble aujourd'hui en très grande forme. Peu à peu, les Springboks créent quelques occasions. Et à la 11e minute de jeu, ils égalisent grâce à une pénalité. Et les contacts physiques se font de plus en plus rugueux. Et de chaque côté, les provocations se multiplient. Côté néo-zélandais, l'équipe n'arrive pas à développer le jeu rapide et agressif qui la caractérise depuis le début du tournoi. Non, elle semble même en deçà de son niveau habituel. Et les Sud-Africains prennent l'avantage grâce à une pénalité et un drop. Nous en sommes à 9 à 6. Dans les tribunes, les cris de joie des supporters résonnent et le stade prend des airs de chaudron. Au bout de 40 minutes, l'arbitre siffle la mi-temps. Les Springboks mènent de 3 points. Toute l'Afrique du Sud retient son souffle. Les Springboks se mettent alors en rond au milieu du terrain. François Pinard prend la parole dans un mélange d'anglais et d'africaneur. Et la partie reprend, mais les All Blacks semblent avoir retrouvé leurs automatismes. 15 minutes plus tard, ils égalisent par un drop, le stade frémit. Vissé sur son siège, Nelson Mandela reste impassible, les yeux rivés sur le terrain. Sur la pelouse, le capitaine François Pinard mobilise ses troupes. La défense sud-africaine se remet en place et le match reprend. Les plaquages s'enchaînent et à chaque fois que la star néo-zélandaise Johan Numu attrape la balle, ordre a été donné de le mettre à terre le plus vite possible. Cette tactique de harcèlement fonctionne et les Springboks tiennent bon. Dans les gradins, les 63 000 spectateurs poussent leur voix jusqu'à l'extinction, hurlent, chantent à tout rompre. Et au bout de 80 minutes réglementaires, l'arbitre siffle. Égalité 12 partout, il faudra donc jouer les prolongations. À la différence de football, le rab est rare au rugby. Et après 80 minutes de coups, de chutes et de plaquages, les corps des athlètes sont à bout. Sur le terrain, les 30 joueurs reprennent leur souffle. Certains se font masser, d'autres s'allongent et se réhydratent. La pelouse, elle, ressemble à un champ de ruines. Elle est jalonnée de trous, de terre et de sueur. Autrement dit, le combat n'est pas fini, il faut un vainqueur, et donc un vaincu. Et voilà l'explication finale, le coup d'envoi de la prolongation est donné. Derrière l'inépuisable troisième ligne Ruben Kruger, les Springboks font pression sur la défense néo-zélandaise. De nombreux commentateurs sont impressionnés par la fraîcheur physique des joueurs sud-africains qui semblent transcendés par l'enjeu. Sur la pelouse, les Néo-Zélandais faiblissent et commencent à laisser quelques espaces. Finalement, 8 petites minutes avant la fin du temps additionnel, une mêlée se joue à 20 mètres de la ligne des plaques, avec avantage donc pour les Springboks. Alors les deux blocs poussent et se neutralisent, et puis le ballon ressort dans la main de Joost van der Westhuizen. Le demi-mêlée fait alors une longue passe à son coéquipier Joël Stransky, qui réceptionne parfaitement. Devant le joueur, l'espace est dégagé, alors sans réfléchir, il frappe le ballon du pied. L'action nous est racontée en direct par la BBC. C'est intéressant de voir comment Joël Stransky s'est repositionné. Il s'est mis sur le côté, face à la défense. Stransky va chercher le drop. Et ça passe! Stransky marque et les Sud-Africains prennent l'avantage, 15 à 12. Alors le stade exulte et la foule en liesse applaudit le drop de l'ouvreur sud-africain, 15 à 12 donc pour les Springboks. 7 minutes plus tard, le coup de sifflet final retentit. Pour leur première participation à une Coupe du Monde, les Sud-Africains décrochent le titre. Dans les tribunes, c'est la délivrance. Les supporters hurlent de joie. Le visage de Nelson Mandela apparaît sur le grand écran du stade, habillé de son maillot vert. Il applaudit à tout rompre. Il a réussi son pari. Sur le terrain, les vainqueurs du jour semblent incrédules. Bandages autour de la terre, traces de terre et de sang sur le short, maillot troué. Tous portent sur eux les stigmates des deux heures de guerre qui viennent de s'achever. Alors ils se mettent en rond, posent le genou à terre et prient silencieusement sur la pelouse. Dans le stade, l'émotion est palpable. Et l'image des joueurs recoupés remerciant le ciel frappe l'imaginaire. Le président Mandela descend sur le terrain, acclamé par la foule. Chaleureusement, il serre la main de chaque joueur. Enfin, il remet le trophée au capitaine François Pinard. L'échange entre le président noir et le capitaine africaneur fait le tour du monde. L'Afrique du Sud semble réconciliée, et c'est peut-être là que naît le mythe de la nation arc-en-ciel. Les télés du monde entier retransmettent la remise de la coupe et le discours du capitaine, comme ici sur France 2. François Pinard, vous êtes le capitaine de l'équipe championne du monde. Je ne sais pas quoi dire. Je suis très ému. L'équipe, je viens de vivre les plus belles semaines de ma vie et trop de gens à remercier. Et quel affrontement incroyable! Ouais, c'était très dur. Les All Blacks ont joué un excellent rugby. Ils ont continué de se battre pendant les 20 minutes de prolongation. Je veux leur tirer mon chapeau. Ils ont fait un superbe tournoi. Bien joué les gars. François, vous aviez 65 000 supporters sud-africains aujourd'hui, un énorme soutien. Nous n'avions pas 65 000 sud-africains, nous avions 43 millions de sud-africains qui nous ont supportés. 43 millions de sud-africains, oui, à Johannesburg et dans tout le pays. La soirée se prolonge toute la nuit, jusqu'au petit matin. Dans une ambiance de fête improvisée, des millions de sud-africains célèbrent la victoire. Du Cap jusqu'à Pretoria, en passant par Soweto, le pays exulte. Une foule multicolore prend possession des rues, maillot Springboks en étendard, visage peint aux couleurs du drapeau. L'Afrique du Sud vit son premier vrai moment de communion nationale depuis la fin de l'apartheid. Et ils sont des milliers ce soir-là à entonner la Chosholosa, ce chant zoulou devenu au fil de la compétition l'hymne des supporters. Pour de nombreux commentateurs, la présence de Mandela a autant galvanisé les Springboks qu'elle a tétanisé les All Blacks. Mais une autre question se pose, en coulisses cette fois. Comment les Springboks ont-ils réussi à conserver leur fraîcheur physique aussi longtemps? Le lendemain, 25 juin 1995, après une nuit de fête, l'Afrique du Sud se réveille en fanfare. Dans les kiosques, les unes des journaux affichent la gloire. Son équipe de rugby entre dans la légende. François Pinard, Ruben Kruger, Joost van den Westhuizen, Chester Williams et les autres deviennent des icônes du renouveau sud-africain. Pour Mandela, il s'agit d'une première étape. Dans trois semaines, il doit acter la création de la Commission Vérité et Réconciliation, un organisme destiné à apaiser la société à travers une expérience de justice dite restaurative, peut-être le meilleur moyen d'éviter la récidive. L'objectif de la commission est clair. Regarder les crimes passés, juger les criminels et essayer de faire la lumière sur les décennies d'apartheid et aller de l'avant. Voilà, la belle histoire aurait pu s'arrêter là. Mais la mariée était trop belle. Quelques années plus tard, en effet, un doute s'installe autour du triomphe Springboks. Un doute qui prend la forme d'une rumeur d'abord prudente, puis de plus en plus insistante. le rugby sud-africain serait gangréné par le dopage. Et l'équipe de 95 ne ferait pas exception. En 1999, 4 ans après la victoire de Johannesburg, les premières révélations tombent. Et elles proviennent de l'un des joueurs les plus connus de l'équipe, le capitaine en personne, François Pinard. En mars de cette année-là, celui qui est devenu une véritable légende en Afrique du Sud sort un livre intitulé « Le guerrier de l'arc-en-ciel ». Il y détaille sa carrière avant et après la victoire de 95. De l'intérieur, il raconte l'euphorie de ce 24 juin, ses rencontres avec Mandela, son infinie fierté d'avoir été le leader de cette équipe. Cependant, son récit contient des moments plus sombres, notamment sur des pratiques de dopage dont il a été témoin au début de sa carrière. D'après Pinard, la prise de substances était la règle au sein de la fédération, oui. Jusqu'à l'année 92, date de la fin du bannissement international et de l'instauration des premiers tests antidopage. On découvre donc que pendant des années, des injections de vitamine B12 ont été administrées aux joueurs. François Pinard parle également de mystérieuses pilules qui étaient distribuées dans les vestiaires au vu et au su de tous. La plupart des joueurs tendaient la main quand le médecin de l'équipe faisait circuler la boîte à pilules avant les matchs. Alors, que contenaient ces pilules? Le seul produit clairement nommé dans le livre, la vitamine B12, n'est pas une substance illicite, mais elle est souvent utilisée pour multiplier les effets de l'EPO, une hormone bien connue en revanche dans le monde du dopage. Celle-ci permet une meilleure oxygénation du sang, augmentant ainsi les performances des sportifs. Mais surtout, l'EPO est très longtemps resté indétectable par les différents contrôles antidopage. Pour de nombreux observateurs, les révélations de François Pinard ne sont pas une surprise. En Afrique du Sud, la valeur d'un joueur de rugby est depuis bien longtemps mesurée à l'aune de ses performances physiques. Dans le pays, certains commentateurs s'en inquiètent d'ailleurs. Ils constatent depuis plusieurs années une explosion de la musculature des joueurs, ainsi qu'une augmentation de la violence et de l'agressivité dans le jeu. Mais est-ce que tout s'est vraiment arrêté en 92, comme Pinard le raconte? Évidemment, le célèbre capitaine se garde bien de jeter l'opprobre sur le titre remporté par son équipe 4 ans plus tôt. Et d'ailleurs, il l'assure, les tests antidopage de la fédération sont efficaces. La preuve, depuis 92, une douzaine de rugbymen professionnels ont été contrôlés positifs. Cependant, le chiffre semble en dessous de la réalité et de nombreux témoignages critiquent le laxisme des autorités. Les contrôles seraient insuffisants, incomplets. Dès lors, la question se pose. Les Springboks de 95 étaient-ils dopés? Est-ce que derrière la belle histoire de la victoire d'une nation réconciliée se cache une réalité bien moins avenante, voire dramatique? Cause I'll never die. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. En 1999, cela fait 4 ans que l'équipe d'Afrique du Sud de rugby a gagné la Coupe du Monde. Son triomphe a permis au pays de communier après 43 ans d'apartheid et de revenir sur la scène internationale. Cependant, avec l'apparition du livre du capitaine François Pinard, un sérieux doute s'installe. Un malaise en fait, mais qui ne dit pas encore son nom. En juin 99, l'un des héros de la victoire de 95 prend sa retraite sportive, Ruben Kruger. Le solide troisième ligne finit sa carrière à l'âge de 29 ans et ouvre une boutique de matériel photo à Pretoria. À peine un an plus tard, en 2000, son état de santé se dégrade. Il souffre de maux de tête et de perte d'équilibre. Kruger passe donc quelques examens à l'hôpital, mais les résultats sont dramatiques. L'homme souffre d'un cancer du cerveau. Malheureusement, il ne s'agit pas d'un cas isolé, oh que non. Ruben Kruger est le premier d'une longue liste, une hécatombe, qui va toucher plusieurs anciens Springboks de la même génération. 6 ans plus tard, en 2006, André Venter, 36 ans, 66 sélections compteur, passe un dimanche paisible en famille. Grâce à son physique hors norme, 1m96 pour 106 kilos, il a gagné le surnom de « l'indestructible ». Voilà 4 ans qu'il a raccroché les crampons et monté sa société de communication. Ce dimanche-là, il est dans son jardin avec son fils. La suite, il nous la raconte au micro de Nicolas G pour l'émission Stade 2. C'était un dimanche après-midi. J'étais dans le jardin en train de jouer avec mon fils. On tapait dans la balle. Et j'ai senti mes jambes devenir lourdes. J'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Il n'y a pas de raison particulière. Il n'y a pas de réponse à cette question. Et je dois dire que j'ai arrêté de me demander pourquoi cela m'était arrivé, parce qu'aucune réponse ne pourra me satisfaire. Pas de réponse pour l'international donc, mais un diagnostic cruel. Le joueur souffre d'une myélite transversale. Cette inflammation de la moelle épinière est une maladie rare qui touche en moyenne une personne sur 1 million. André Venter perd l'usage de ses jambes. Il doit désormais se déplacer en fauteuil roulant. 3 ans plus tard, en 2009, un autre Springbok de cette génération-là s'inquiète. Il est l'une des stars de l'équipe de 95, Joost van der Westhuizen. L'ancien demi-mêlée de 38 ans ressent une douleur dans le biceps. Il pense d'abord à une ancienne blessure, mais la douleur persiste. Pire, il sent les muscles de son bras faiblir. L'homme passe donc une batterie d'examens à l'hôpital et le résultat est sans appel. Il souffre d'une sclérose latérale amyotropique, autrement appelée maladie de Charcot, une autre maladie rare qui touche une personne sur 1 million et qui paralyse progressivement les muscles. Une véritable horreur, une montagne de cruauté, cette maladie. Les médecins donnent à l'ancien rugbyman 5 ans à vivre, tout au plus, et dans quelles conditions? Après le diagnostic, son état en effet se dégrade, rapidement. Il perd peu à peu sa motricité et doit bientôt lui aussi se déplacer en fauteuil roulant. Au micro de Nicolas G, toujours, pour l'émission Stade 2, l'ancien joueur parle de son combat contre la maladie. Je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas ce que c'était. Vous ne marchez plus, vous avez du mal à parler. Qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? Je ne peux plus jouer avec mes enfants. Et puis, je ne peux plus les prendre dans mes bras. C'est difficile. Mais à part ça, je suis très heureux. Quelques semaines plus tard, le 27 janvier 2010, le troisième ligne Ruben Kruger décède, 10 ans après avoir appris qu'il souffrait d'un cancer du cerveau et 15 ans après la finale victorieuse de Johannesburg. L'Afrique du Sud pleure son champion, mort à 39 ans. En avril 2013, c'est au tour de Tinus Lini d'être frappé par la maladie. l'ancien Springboks de 44 ans, qui a joué pour la sélection de 1993 à 1994, apprend qu'il souffre lui aussi de la maladie de Charcot. Très rapidement, son état se dégrade. Il meurt le 3 novembre 2014. Le 6 février 2017, dans sa maison de Johannesburg, Jost van der Werthuizen meurt à son tour des suites de sa maladie. Il a 45 ans. L'Afrique du Sud est sous le choc. C'est le troisième Springboks de la même génération qu'elle enterre en 7 ans. Le quatrième atteint d'une maladie neurodégénérative des plus violentes qui soient. Surtout que l'hécatombe continue. L'ancien ailier Chester Williams, seul joueur noir de la sélection championne du monde, meurt d'une crise cardiaque. Il avait, lui, 49 ans. Alors, comment expliquer ce phénomène? Le hasard? La répétition des chocs? Au sein de la grande famille du rugby sud-africain, personne n'a de réponse satisfaisante. Et la question est soigneusement esquivée, autant par les joueurs d'ailleurs que par la fédération. Non. Pas question de toucher à la légende du sacre de 95, à l'image de cette déclaration d'André Venter, toujours au micro de Nicolas G. On ne m'a jamais proposé de produits interdits de ma vie. Je ne fume même pas. Les seuls trucs que je prenais à mon époque, c'était des œufs, du lait, de la viande. Et si vraiment, des fois, vous vouliez prendre quelque chose de méchant, c'était une bière locale. Je pense que les Springboks ont partagé le rêve de Nelson Mandela de gagner la Coupe du Monde. Pas seulement pour eux-mêmes, mais pour le bien de la nation. C'était son rêve, et ils l'ont partagé. Abnégation, don de soi, sens du collectif. Le rugby est longtemps resté amateur et c'est autour de ces valeurs désintéressées que la culture de l'Ovalie s'est formée. Oui, un sport d'équipe populaire, un sport éducatif. Et en Afrique du Sud, on l'a dit, on a vu à quel point le titre mondial était important pour le destin du pays sur le terrain social et politique. Or, quelques années plus tard, cette équipe-là se retrouve décimée. Alors, que s'est-il vraiment passé dans le vestiaire de Johannesburg avant cette finale contre la Nouvelle-Zélande? Et qu'en est-il des joueurs actuels? Beaucoup de questions et une certitude. Aujourd'hui, plus que jamais, les rugbymen sont soumis à des emplois du temps qui ne laissent pas beaucoup de place au repos. La force physique des athlètes a augmenté, les contacts se sont durcis, les blessures multipliées. En parallèle, les intérêts financiers et les salaires ont explosé. C'est l'ère du temps. Certes, les contrôles sont maintenant plus performants et on connaît mieux le risque du dopage sur la santé, mais est-ce suffisant? African idea, African. Vous vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire des Springboks vainqueurs de la Coupe du Monde de rugby en 95 et dont au moins 4 d'entre eux de l'équipe ont contracté des maladies soit rares, soit des cancers, enfin des maladies graves. Et on se pose la question de savoir pourquoi. On va se la poser avec vous, Nicolas Gé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité. Vous êtes journaliste, grand reporter pour le service des sports de France Télévisions. Vous avez enquêté sur le sujet pour l'émission Stade 2 dans un reportage intitulé Springboks jusqu'au bout, dans lequel on a puisé tranquillement, on vous remercie, avec votre autorisation. On a entendu au moins 3 extraits de ce reportage saisissant, pour lequel vous êtes parti à la rencontre de plusieurs des joueurs de cette génération. D'abord, ont-ils été faciles à approcher, vu le sujet ? Alors, oui, mais pour être honnête, on leur avait pas tout dit. C'est-à-dire on leur a pas dit non plus qu'on venait pour enquêter sur ce sujet, sinon les portes auraient été fermées. Donc on a dit qu'on venait pour parler de l'histoire du rugby sud-africain et notamment de cette victoire des champions du monde parce que ça aurait été très difficile d'avoir que les portes s'ouvrent sur ce sujet. Bien sûr. Il y a une véritable aura qui entoure cette équipe en Afrique du Sud. Comment sont-ils perçus et comment étaient-ils perçus au moment où vous avez fait le reportage? Comme des légendes, je crois que vous avez utilisé le mot dieu vivant, mais quasiment pour François Pinard, c'est l'équivalence, toute proportion gardée, de Zinedine Zidane chez nous. Vous l'avez dit, avec tout cette aura au niveau politique de la nation arc-en-ciel. Donc François Pinard, lui en tout cas, Jos van der Westhuizen, étaient des légendes, des vraies légendes dans ce pays. Et la place du... Alors, je précise que vous êtes un journaliste sportif, mais un journaliste sportif n'est pas spécialiste de tous les sports, sinon il s'en sort pas. Vous êtes un spécialiste du vélo, vous, mais vous avez beaucoup travaillé sur les histoires de dopage, qu'on retrouve et également dans le cyclisme, et donc dans le rugby. Je vous pose la question quand même, quelle est la place du rugby dans la société sud-africaine aujourd'hui? Parce que bon, la réconciliation, la fin de l'apartheid, maintenant ça commence à dater un peu. C'est quoi? C'est un sport qu'on suit comme les autres, ou c'est toujours plus que les autres, ce sport-là? C'est toujours plus que les autres. Alors, vous l'avez dit, le rugby, c'est vrai que c'était le sport des Blancs, c'était le sport des Afrikaners, par opposition au football, qui était plus le sport des Noirs, qui sont évidemment majoritaires en Afrique du Sud. Mais c'est vrai que le rugby a pris aussi une place de plus en plus importante pour les Noirs, et c'est le sport numéro un en Afrique du Sud. C'est une culture, c'est une façon de vivre, et un peu comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est le sport numéro un. Cobus Viseux, l'un des champions du monde, nous le disait, quand on joue une Coupe du Monde et qu'on est sud-africain, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de perdre parce que c'est comme une religion. Oui. Et je rappelle au passage que l'Afrique du Sud a organisé la Coupe du Monde de football en 2010. D'ailleurs, ça a laissé beaucoup de mauvais souvenirs aux Français. Comme quoi, il y a aussi une intégration par le sport, y compris le football. Là, ça a validé la déjà validée entrée de l'Afrique du Sud dans le concert international, puisqu'elle avait été exclue à cause de l'apartheid. Donc on voit comment le sport, comment certains enjeux dépassent largement les enjeux du sport. Oui, exactement, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre récit, la Coupe du Monde 95 intervient un peu plus d'un an après l'élection de Nelson Mandela, et Nelson Mandela comprend l'importance que peut avoir cette Coupe du Monde, et surtout la victoire et l'union qu'il peut y avoir suite à cette victoire des Springboks, même si on l'a rappelé, les Springboks n'étaient pas soutenus par le peuple noir. Et c'est vrai que Mandela a essayé d'amener ça, cette greffe qui a plutôt bien pris. Et puis jouer à la maison, c'est toujours un avantage. Est-ce que c'est un avantage aussi dans le football? C'en est un, c'est clair. En rugby, c'est un avantage aussi. Aussi, à chaque... Alors, on parle pas de 12e homme, mais de 16e homme. Oui, le 16e. Et vous avez refait écouter ce son de François Pinard qui dit non, on n'était pas, il n'y avait pas 44 000 Sud-Africains, et il y avait tout un peuple. Et il le dit. Est-ce que c'était vrai? On peut le croire. En tout cas, c'est ce que raconte le film Invictus de Clint Eastwood, dont on peut reparler, puisque Hollywood s'est emparé de cette histoire aussi. Bien sûr. À quel point là on dépasse le rugby, et c'est vrai que c'est une histoire totalement hollywoodienne au début. Et bien traité par ce film-là pour vous, au passage. On va dire qu'il y a le côté belle histoire, il y a un côté, et puis nous on a essayé dans notre reportage de montrer les coulisses la face B de cette histoire dont vous parlez, dont vous avez parlé avec ces morts et ces maladies. Nicolas Jay, de cette histoire, de cette face très sombre de l'histoire, nous allons parler ensemble dans 3 minutes. À tout de suite. Nicolas Jay, on va maintenant parler du dopage dans le rugby, de cette affaire des Springboks 95. Vous avez donc enquêté, vous êtes allé en interviewer quelques-uns. C'était en mars 2014. Qu'est-ce qui vous met la puce à l'oreille? Pourquoi vous engagez-vous dans ce travail journalistique-là, précisément? Eh bien, parce que, tout simplement, c'est vrai qu'on a envie d'enquêter sur le rugby avec le dopage qui se développe. J'ai des conversations notamment avec Laurent Bénézèche qui est un lanceur d'alerte dans le monde du rugby, et puis il m'alerte sur cette épidémie, on va dire, dans le rugby sud-africain, avec Ruben Kruger, vous l'avez dit, mort d'une tumeur au cerveau, Jörg van der Westhuizen qui était malade à ce moment-là, Linus Tiné, André Venter qui était en fauteuil roulant, et on s'est dit voilà. Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de lien scientifique entre le dopage et ces maladies, mais à un moment, on est journaliste, on doit se poser la question. C'est pas possible. Alors, certains nous diront oui, mais vous pouvez pas faire le lien, certes, puisqu'aucune étude n'a pour l'instant été menée pour faire une corrélation entre ces pathologies, ces maladies neurologiques et les morts et le dopage, pardon. Mais à un moment, on est obligé de se poser la question et de mener l'enquête, au moins de poser les questions, d'aller voir ces gens-là, d'aller voir les acteurs de cette époque-là. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas voulu nous répondre, notamment le médecin des Springboks. Ça aurait été très intéressant. Malheureusement, évidemment, vous doutez bien qu'il ne parle à personne. Mais voilà, la question, la démarche a été de dire on va y aller, on va poser des questions. Voilà. Alors comment ça se passe? Vous en interviewez combien exactement? Joueur de oui. cette époque, oui. Van der Westhuizen, André Venter, Teinus Linné, et Cobus Viseux, François Pinard également, six joueurs de l'époque. Quel est le souvenir le plus fort, le plus saisissant que vous retenez de ces différentes interviews? Qui vous a apporté des informations troublantes? Alors, le souvenir déjà le plus marquant, humainement, c'est la rencontre avec Jos van der Westhuizen. C'est-à-dire que ce garçon a été l'un des demi de mêlée les plus forts au monde. C'était l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby. Et avec des yeux bleus, regard perçant, un athlète magnifique, un très bel homme. Et vous arrivez... Il arrive, il sort. Moi, je naïvement, je tends la main. Et en fait, lui, avec atteint de la maladie de Charcot, il peut plus me serrer la main. Mmh. Et vous l'avez fait écouter à vos auditeurs tout à l'heure. La maladie de Charcot s'attaque aux fonctions du langage, aux fonctions motrices aussi dans fauteuil roulant. Et il ne peut plus parler quasiment. Et c'est terrible de voir cet homme qui était si fort 10 ans avant, qui a été impressionnant. Humainement, vous êtes là, vous devez lui poser des questions, notamment sur le dopage. Déjà, c'est compliqué. Teinus Linné, pareil. Vous rencontrez ce joueur, cet ancien joueur en fauteuil roulant comme ça, c'est assez violent. Donc déjà, il y a ça. Après, moi j'y allais en me disant, parce que vous l'avez dit, j'ai un peu d'expérience dans le dopage, notamment sur le cyclisme. Avec le vélo, ouais. Voilà. En général, quand ils n'ont pas été contrôlés positifs, personne n'avoue, personne ne parle. Il y a une vraie omerta. Là, il y a une omerta, sauf que on nous dit. Oui, on prenait des piqûres avant les matchs, on prenait des piqûres pendant les préparations. Et donc déjà, nous, on s'attendait pas à ça. Finalement, on a été surpris d'en avoir autant, parce qu'ils nous ont tous confirmé l'usage de piqûres systématiques pendant les préparations avant les matchs. Alors, on nous a dit que c'était les fameuses vitamines B12 dont parlait François Pinard. Et il nous dit, de toute façon, on a utilisé ces vitamines. Et puis, quand ça a été interdit, on a arrêté. Sauf que c'est pas vrai, puisque vous regardez la liste des produits interdits, il y a aucune vitamine. C'est pas vrai. Les vitamines B12 n'ont jamais été interdites. Donc, on leur a menti, visiblement, puisque ça n'a jamais été interdit. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a une vraie surprise là-dessus. Et je me dis aussi qu'il y a une uniformisation des réponses. C'est-à-dire que tous, B12, B12, B12. Ils n'ont que ça à la bouche. Quand on leur dit, mais qu'est-ce que vous preniez? Qu'est-ce qu'on vous donnait? Ah, ben, je sais pas, on nous disait que c'était des B12. Vous voyez, il y avait cette culture-là. On a rencontré aussi, ce qui était intéressant, un garçon qui s'appelait Benny Notch. Benny Notch, c'était un jeune joueur de rugby qui a fait la préparation avec les Springboks. Il n'a pas été retenu pour la Coupe du Monde. Et lui, 2 ans après, il a été contrôlé positif. Et lui nous dit, on nous disait que c'était pour nous booster et c'était systématique dans la préparation. Il y avait ces vitamines B12 et je lui dis, mais comment vous saviez? La question à chaque fois, je leur ai tous posé. Ils disent, le médecin nous disait, donc nous, on faisait confiance au médecin. C'est aussi emblématique et symptomatique d'une culture en Afrique du Sud. C'est ce que nous a dit aussi le patron de l'agence antidopage sud-africaine. Une culture du produit dans la vie en général et notamment dans le sport, des produits dopants. Dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont gamins, quand on les appelle les baby box depuis 15 ans, 16 ans, et il y a de plus en plus de contrôle positif pour cette génération-là. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose pour les autres grandes puissances du rugby, j'allais dire voisines, relativement voisines, hein, parce que les distances sont très très grandes, ne serait-ce qu'entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud et l'Australie. Mais il y a aussi cette culture-là chez les autres. Alors, il y a eu aussi beaucoup de cas de dopage en Australie, notamment dans le rugby à 13, mais voilà, c'est voisins, c'est cousins. Donc oui, chez les anglo-saxons, en Angleterre, il y a eu aussi de plus en plus de cas. Il y a 2-3 ans, je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience. En France, il n'y a pas autant de cas positifs, mais c'est vrai que Laurent Benezèche, notamment l'ancien joueur, et ça a fait scandale, ça a fait polémique, s'est étonné de la prise de masse, de la prise de volume et du changement physique des joueurs. Sans preuve, encore une fois, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est plus prégnant en Afrique du Sud. Il y a cette vraie culture-là, et on le voit sur le nombre de contrôles positifs ces dernières années. Alors, ces rugbymen que vous avez interviewés, qui sont si malades, est-ce qu'ils vous ont dit, c'est par hasard, que les copains le soient aussi? Non. À aucun moment, quand on a parlé du dopage, vous avez passé cet extrait d'André Venter, à aucun moment, on ne reconnaît à s'être dopé ou avoir la moindre présomption. Et c'est ça le plus étonnant. Alors, je peux comprendre qu'ils ne parlent pas pour pas tuer le mythe, certes. Mais à un moment, quand il y a autant de maladies, encore une fois, nous, on ne peut pas faire un lien scientifique. Mais quand même, on peut se poser des questions face à autant. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce qu'il y a un vrai drame suite au dopage, on peut se poser la question. Ce qui m'étonne, moi, en revenant, ce qui m'a étonné, c'est de se dire pourquoi aucun ne parle. Pourquoi Jos van der Verstegen, s'ils se sont dopés, bien sûr, ou Teinus Linné, ou André Venter, de dire « je vais parler pour pas que les gamins refassent la même chose que moi ». Et les gamins, visiblement, refont la même chose pour certains. Et donc, à un moment, il n'y a pas ça. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser une vraie question par rapport à ce silence. C'est-à-dire qu'on ne veut pas écorner le mythe fondateur de 1995, parce que manifestement, cette victoire des Sud-Africains en Coupe du Monde fait partie des mythes fondateurs d'une nation, nouvelle. Bien sûr. Et c'est ça l'enjeu, peut-être. Et je vous l'ai dit, voilà, c'est pas un hasard aussi si Hollywood s'est emparé de cette histoire, parce que ça correspond en tout point au mythe hollywoodien. Et surtout, c'est même pas que les joueurs. C'est que là-bas, en Afrique du Sud, il n'y a jamais eu d'enquête. Que ce soit journaliste, que ce soit fédération, que ce soit ministère, rien. Ce sera le mot de la fin, sur cette frustration quand même, parce que tout le monde aimerait que la question se pose vraiment, et avoir une réponse, il y va aussi. Comme vous le disiez, c'est important de la santé des jeunes, de ceux qui prennent la relève. Merci infiniment, Nicolas Gé. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Springbox 95, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livre, référence et si le cœur vous en dit, vos commentaires. Merci à Clément Huy qui était à la technique aujourd'hui.